Allô 224, répondez 273, 273, avenue Maroni, transversale, avenue Perra et la rue Saint-Patrick pour le feu dans le sous-sol. Il y aurait une fille de 11 ans qui serait au sous-sol et ne répondrait pas. Cette fumée apparente. Je ventile le sous-sol à l'arrière, les feuilles du sous-sol à l'arrière. Je ventile le sous-sol. Il y a beaucoup de circulation de stock au sol. On a des difficultés à avancer. Ça fait que A et B, encore Delta a été fait. Il reste la B et C. Il n'y a pas de circulation qui peut être en dehors. La visibilité est mieux. Je ne sais pas si on peut être en dehors. Est-ce que ça va au niveau du facteur 3? Est-ce que ça va au niveau du facteur 3? On va réchauffer au sous-sol. Lève les armes à la porte de côté, elle est bien lâchée. Allez, du coup, on s'y sort, on a une autre plateforme, on va faire les frères. 234 pour une personne inconsciente, sortie par les pompiers du sol. Centrale 143. Pour le 273, Maroni, un bâtiment détaché de tous les côtés d'un étage style bungalow. Le feu est au sous-sol. On a une victime en arrêt respiratoire. Le 132 PC, le 143 est aux communications. La recherche primaire a été effectuée. On a trouvé une victime qui était sortie pour être la victime.